font jouer le pont. We'll be right back. entends ma basse? Parce que j'ai compris que tu fais ça. Attends, je pars à un... On a qu'à mettre le nombre de... Pourquoi on n'entend pas ma basse? Thank you. la première mesure tout seul. Tu fais une fois en arpège et j'arrive sur le deuxième. Tu fais l'arpège et tu pars sur la rythmique. Ou alors tu fais l'arpège et c'est ça ? Je chante avec ma basse qui arrive. On fait un tour ensemble. J'ai une idée. On fait tourner 4 fois et après je commence le chant. 4 fois tous les deux. Attends, j'étais pas prêt. Vas-y. Prochain train. One, two, three, four. moi je me trompe à la basse. Ok, ok, ouais. Passer au pont. Ton intro. J'aime bien ton intro. Fais-le depuis le début et moi je t'écoute pour voir où je... parce que je sais pas où je mets le pont, je me trompais. Je fais avec l'intro, hein. Après j'ai compris. c'est bon, j'avais pas compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu peux recommencer depuis l'intro. On va y arriver. La boucle. Attends. J'ai dû. Attends, moi j'ai fait. Attends, je recommence. Rejoue-moi-le et je recommence. Putain, je sais pas ce que je fais, ça. J'allais partir tout de suite sur le pont, moi. Attends, je vais te marquer ce que j'ai compris. Donc, il y a l'intro. Intro, ça fait. Bah, rejoue-le, s'il te plaît. Et je vais compter. Je me suis trompé. Hein. L'intro. Essaye ça là. Tu sais, on fait l'intro, mais on part directement sur le chant. Tu fais l'intro tout seul, et puis on part directement sur 16 mesures. On va voir s'il y a un problème. Je ferai le chant direct. Hein. Seven, eight, nine. mal ce qu'on avait à faire. Faut voir qu'on est. Ah merde, ça s'est arrêté, c'est dessus. Hey, j'ai... Ah putain, mais je trouve pas là. Je vais remettre la raille. Putain, je vais essayer un truc. Tu as mis, c'est bon. Ouais, ça peut être sympa, ouais.